s'amuse bien. On ne veut plus le dire, tellement qu'on est heureux. En Louisiane, c'est bon le jour et la nuit. En Louisiane, on a envie de faire des folies. Les filles sont belles et douces en amour. Elles vous aiment au long des nuits et des jours. Vous grise d'amour au ciel étoilé. Leurs mots et leurs sourires vous rendent fou. En Louisiane, c'est le paradis tout à fait rêvé. Mais prends garde si tu as le cœur tordu. En Louisiane, c'est bon le jour et la nuit. En Louisiane, on a envie de faire des. Elle vous aime au long